Bon. Petit message d'information. D'ici peu, d'ici très peu, les conférences du dimanche, les conférences spéciales, vont sans doute durer une heure de plus. Alors, n'eût été mon collectivisme nasal. On a commencé aujourd'hui. Alors, il y a des possibilités que certaines conférences durent plus de 3 heures. Ceux qui ne pourraient pas rester, tant pis. Ceux qui pourraient rester, tant pis. Une chose est certaine, je vous mets au courant. Se décollectiviser, ça crée des remous archangéliques et la jalousie des autres qui se missionnent pour te forcer à rentrer dans le moule. Mais c'est irréversible, la décollectivisation. Mais comment vivre pour se supporter soi-même? En se décollectivisant, on se supporte soi-même. Quand un être humain a de la difficulté à se supporter, c'est qu'il a de la difficulté à supporter le fait que les autres ne l'acceptent pas. Il reste collectivé du point de vue de certains concepts, du point de vue de certaines formes traditionnelles. Et là, la colère mentale devrait pouvoir placer les choses, lorsqu'elle est orchestrée vers les processus du passé. Bon, ça paraît qu'on t'a dit de te rapprocher des gens, tu as même dit bonsoir avant la conférence de vendredi. Pourquoi acceptes-tu ce jeu? Ça ne te convient pas. Juste pour pouvoir frustrer certaines personnes. Étant donné que beaucoup de personnes ont des concepts de ce que devraient être certaines choses, de temps en temps, ça me plaît de me moucher en conférence, de dire bonjour. Ça plaît à d'autres, et puis ça déplaît à certains, et puis ça fait travailler les choses un peu. Je ne me rapproche pas des gens parce qu'on m'a demandé de me rapprocher des gens. Je l'ai déjà fait de l'autre côté, je le fais quand je vibre que je peux le faire. Et sinon, je ne le fais pas. Je sens une souffrance mentale ou supramentale intense chez toi. Bon, alors j'ai au moins une personne qui s'occupe de moi, c'est bien. Pourquoi, si tout est récupéré, est-ce de penser où il faudra qu'on passe? Est-ce que ton intensité qui fait que je sens cette souffrance? La personne n'est pas si perdue que ça. Je n'ai pas de souffrance mentale ou supramentale. Alors, ça ne sert à rien de toujours donner des bêtises non plus aux personnes qui veulent travailler sur moi. La personne, elle développe sa perception, ce qui est relativement intéressant. Je ne souffre pas. Je vois des choses que l'être humain ne peut pas voir. Je vois des choses que l'être humain ne supporterait pas de voir. Je sais des choses. Mais le problème fondamental à travers l'évolution de certains humains, et vous aurez à passer la majorité par ce genre de problème, d'autres y ont passé. Le Nazaréen y est passé. Et tous ceux qui sont arrivés à avoir une fusion avec leur dôme éthérique qui sont passés, c'est celle où, justement, la partie mémorielle doit se séparer de la partie instantanée. Et ça enclenche ce que moi j'appelle une fausse humilité qui rend problématique plusieurs choses. Je n'en parle pas pour l'instant pour la simple raison que je préfère parler de ce qui, dans mon cas, est réglé. Et dans ce cas, je suis en fusion. Ma fusion n'est pas terminée. Le dôme éthérique dans lequel je me fusionne est complété. Je suis René depuis 2 ans. Mais il y a des choses qui ne sont pas complétées et de ces choses, je ne parle pas pour la simple raison que je ne suis pas encore capable d'informer mes ennemis de ce que je vais faire. Je trouve encore intelligent de les laisser chercher et je parle nécessairement des forces d'évolution et des forces astrales. Ah bon, bien, on a une personne ici intéressante. La conférence du mois devrait se poursuivre jusqu'à 10 h PM. Bon. Alors, c'est déjà ça, on va avancer au moins jusqu'à une autre heure. Et de toute façon, je ne dis pas qu'à un moment donné, ça ne se terminera pas encore plus tard que ça. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je n'ai pas bien compris la réponse à une question du vendredi au sujet de la différence entre le raccourci pris par Lucifer et le raccourci que vous venez de nous proposer. Lucifer a pris exactement le même raccourci que moi je vais prendre et que d'autres vont prendre et que le Nazaréen a pris. La seule chose qu'il y a, vous voyez quand ça me pique sur le nez, il y en a qui ont déjà trouvé, que, remarquez que ça me pique sur le nez souvent des fois, n'est-ce pas? Ça c'est quand l'énergie qui traverse à travers moi est légèrement déphasée par rapport au corps qui la reçoit. Sauf que moi, ça me pique sur le nez. D'autres auront des problèmes digestifs, d'autres auront des problèmes de tachycardie, d'autres seront malades, d'autres s'endormiront, d'autres feront, etc. Et c'est préférable de conserver un symptôme pour savoir jusqu'à où on doit monter dans l'étape actuelle d'une expression, Alors, il y a une heure de conférence que je peux grimper énergétiquement. Pas nécessairement dans ce que je dis, dans ce que je vis. À un niveau où je mute mon corps physique et je dois, du point de vue de l'ego, du point de vue de la matière, laisser un symptôme pour que l'ajusteur de pensée, altéré par l'ego qui se fait achaler, baisse lentement la vibration du mental pour couper la mutation et la fusion, la ralentir ou la bloquer pendant un laps de temps. Et les personnes seront malades, normalement. Dans mon cas, moi, j'ai reprogrammé le système et ça me pique. Je me gratte et je sais nécessairement que, égoïquement, c'est achalant. L'ego étant légèrement achalé, il baisse la puissance du mental et nécessairement, l'ajusteur de pensée comprend la mécanique et il ajuste. Ça ne change rien au niveau de la conférence. Au niveau du corps physique en mutation, ça change les choses. Je vous mets au courant. Alors, j'espère que je n'ai pas une question là-dedans. Bon. Lucifer a orchestré, ça c'est ce que j'expliquais, je crois, vendredi dernier. Lucifer a orchestré l'évolution de l'homme de façon à ce que l'homme puisse avoir la faculté de conscience, la faculté de sauver, la faculté de se sauver lui-même, la faculté de courber le temps, théologiquement la faculté d'aller plus vite. Mais on ne va pas plus vite. Les choses dans le temps restent le même, mais la conscience arrive à l'instantané. Lucifer n'est pas un être déchu. C'est un porteur de lumière qui a été orchestré, dirigé, planifié, intentionnalisé par tous les êtres humains qui ont été lucifériens et qui ont été conçus du point de vue de la conscience par de la lumière. Pour que l'ego reconnaisse la chute, il devait nécessairement reconnaître la décadence de Lucifer. Mais en même temps, dans l'histoire traditionnelle biblique, Lucifer qui amène la chute de l'homme est tellement puissant que le Dieu parfait et créateur ne peut pas l'en empêcher. Et là, les théologiens vont dire, c'est parce que Dieu laisse le libre-arbitre entre le bien et le mal. Un être parfait qui engendre des expressions parfaites n'engendre que des expressions qui ne font que le bien. Il n'y a pas d'être parfait qui engendre un phénomène imparfait qui peut vivre du mal, si lui est bien. Lucifer est une chose prévue. Lucifer est l'initiation solaire. Lorsque je parle de Lucifer, je n'en parle pas comme un être maléfique. Lorsque l'être humain se fait manipuler par des forces lucifériennes, comme Adolf Hitler l'était, l'être humain est manipulé par des forces lazaréennes. C'est Lazare qui détermine des contextes archangéliques d'évolution de l'humanité. Et nécessairement, c'est la mémoire de Lucifer qui possède la mémoire de l'homme. Lucifer étant de la lumière, il ne peut pas posséder un corps de mémoire, appelé un corps de chair. Tout cheminement est un cheminement de conscientisation. Il y a le phénomène spirituel, le phénomène satanique, le phénomène divin, le phénomène yahvique et jéhovique. Et il y a le phénomène de conscience instantanée, le phénomène luciférien. L'homme doit conserver son corps de chair tout en conservant la conscience qu'il a engendrée en tant que corps de mémoire. La partie luciférienne est ce phénomène et la partie spirituelle est le reste. L'initiation lunaire s'adresse à la spiritualité. Elle s'adresse au corps de mémoire. L'initiation solaire s'adresse à la conscience. C'est extraterrestre. Il n'y a rien de prévu, d'imprévu dans ce monde. Tout est prévu. Nécessairement, le mal est prévu. Si le mal est prévu, c'est que le mal n'a pas le choix d'être le mal. Donc, le mal n'est pas le mal. Mais son expression semblera mal. Daniel, pourquoi parler de tout cela si tout est déjà accompli? Il est à faire attention que je parle à des mémoires. Et la mémoire, elle est temporelle. Elle n'est pas accomplie. Voilà pourquoi je parle de cela. S'ajuster. Est-ce mentir pour protéger son évolution dans une voie qui nous est appropriée? Le mensonge n'existe pas. Le mensonge, c'est le point de vue de quelqu'un que l'autre n'accrédite pas. Pourquoi doit-il y avoir résorption de l'univers? Ne me dis pas que c'est parce qu'il y a eu expansion avant. Ben, je l'ai dit. J'ai été obligé de le dire. La personne qui ne veut pas que je lui dise, elle m'a forcé à lui dire. Elle a écrit. Il y a eu, d'une façon cosmique, un pet. Et le pet est fini. Or, nécessairement, toutes les mémoires du PET sont contenues dans une chose qui n'existe plus. L'univers. L'univers, c'est un PET. D'ailleurs, tout le monde le dit souvent, la vie, elle leur pue au nez. L'univers est en résorption, il n'y a pas de pourquoi. Le gros problème encore de la mémoire, c'est toujours d'essayer de comprendre l'intentionnalité de la mémoire. L'univers est un excrément. L'univers est le résultat mémoriel d'un phénomène intentionnel. L'univers est un accident en ce sens que du point de vue cosmique, l'univers n'a pas d'utilité. Et quand je parle du point de vue cosmique, ajustons du point de vue extra-cosmique, l'univers n'a pas d'utilité. L'univers, c'est de la mémoire. L'homme accumule la mémoire chez lui et la redonne à l'instantané. L'homme est le seul phénomène qui a la faculté de conserver de la mémoire dans un corps et d'instantanéiser la mémoire. Toute la génétique de vos ancêtres est contenue chez vous dans l'instantané d'aujourd'hui. L'univers est un accident, la mémoire de l'homme n'en est pas une. Et quand je parle d'accident, c'est pour ne pas dire excrément. C'est un déchet d'une chose instantanée. Pourquoi le déchet doit-il s'en aller? Parce que le déchet n'a jamais existé. Ça va finir par rentrer. Il n'y a pas d'archange ou de chérubin qui m'affecte quand je dois boire un liquide. C'est biologique, ça hydrate les cellules et ça aide à purifier les reins et autres parties de mon corps. Électriquement. Il est impossible de concevoir, ni biologiquement, de quelle façon le corps détecte le besoin de s'hydrater. L'humain sait qu'il a soif. Et c'est pour cela qu'il boit. Et cette phase de perception où l'être humain sait, comme l'animal, est un phénomène chérubinique. L'orgueil de l'homme peut lui faire dire le corps sait. Lorsque le corps dort, il ne se lève pas endormi pour aller boire de l'eau, parce qu'il est déshydraté. Lorsque le corps dort, et que la pièce est trop sèche, et que les yeux sèchent, et que les narines sèchent, et que la peau sèche, le corps ne se lève pas pour allumer l'humidificateur. La conscience doit être ramenée, la conscience mémorielle astrale. Et là, les phénomènes chérubiniques, angéliques ou archangéliques, vont gérer. Quand je parle de manipulation, ce n'est pas une manipulation dans le sens « Hey, le cave, lève-toi et va boire ». Ça, ce sont des manipulations de mémoire du monde de la mort. Et là, la personne, elle va se réveiller, elle dort, l'enfant, ça va pas, elle se réveille. Elle ne décide pas. Et c'est là la manipulation. La manipulation des premières forces chérubiniques va être de préserver le corps. Toute la structure du bulbe rachidien ainsi que du cervelet est d'ordre chérubinique. Et la personne se lève et elle va boire. Mais elle est réveillée, elle est consciente. Si la Terre n'existait pas, avions-nous pu naître sur une autre planète, dans une autre galaxie? Nous sommes venus au monde sur une autre planète, d'un autre système solaire. Pourquoi mourir si on a pu s'accomplir ou se conscientiser mentalement sur cette planète? Bon, pourquoi mourir? Je l'ai dit souvent. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas que je me répète. Alors maudit, écoutez ce que je dis quand je le dis. Mais j'aurais pas besoin de me répéter. L'être humain qui vit accumule de la mémoire. Accumulant de la mémoire, il remplit un réservoir. Remplissant un réservoir, il finit par focaliser des agglomérats mémoriels. Les agglomérats mémoriels, cristallisés par l'émotion, l'expérience intra-amique, engendrent l'ego. L'ego accumule de la mémoire et l'ego accumule surtout des expériences intra-amiques. La seule force réelle de l'ego, c'est l'illusion qu'il a d'agir. Mais l'ego ne fait que réagir. L'ego, il appelle action des choses dans ce genre. L'ego détecte une balle de baseball qui se dirige vers lui, et là, il dit, tiens, je décide que je me tasse. Et il se tasse, ça passe à côté. Et là, l'ego se dit, je suis intentionnel. J'ai de la puissance. L'ego ne se rend pas compte que la balle est le maître, pas lui. Parce que l'ego n'a pas le choix d'être perturbé par la balle. Ou bien il se tasse. Il se tasse à cause de la balle. La balle, elle vient vers quelqu'un et elle lui dit, tasse-toi. Si l'ego dit, je me tasse pas, la balle, elle lui dit, parfait, paf, il y en a un bernoir. De toute façon, la balle restera le maître. Mais l'imbécile, la mémoire égoïque, pensera que c'est lui qui agit. À la longue, à force d'accumuler ce genre de choses, l'ego devient tellement puissant dans son incompréhension qu'il finit par engendrer des mécanismes, des lois, que lui appelle des lois, des philosophies de la vie. Ce sont des lois. Des sagesses, ce sont des lois. Et ces sagesses, ces lois, font en sorte que l'ego ne fait que se rappeler le passé. Cela engendre une mécanique où la conscience qui essaie d'habiter cette chose ne peut plus progresser vers l'avenir, mais revient toujours dans le passé, revive les mêmes choses. Parce que le phénomène archangélique institue la vie planétaire de façon à ce que jamais elle ne revienne sur ses pas, et toute la mécanicité archangélique qui est en train de se réincarner présentement sur l'échelle de notre planète est pour empêcher l'homme de retourner à l'âge de pierre. Alors, lorsque l'ego ne veut pas connaître l'avenir, pourquoi? Parce que on est contre le changement maintenant. On connaît tout. On devient sage. Plus on est âgé, plus on est contre le changement. Il y a des mutations dans certains individus. Je parle de l'individu à l'échelle de la planète. Lorsque cela est fait, nécessairement, pour que l'ego ne prenne pas trop de puissance à tourner en rond, processus même de l'âme, sauver son âme et ne pas aller trop loin. L'esprit, oublions-le. Alors, l'individu meurt, quitte le corps physique, gagne le monde de la mort. Dans le monde de la mort, l'ego est digéré par le monde de la mort, ce qui fait que tout ce qui apparemment lui donnait de la puissance est maintenant éparpillé. Quand ça se réincarne, c'est tellement mélangé, ça va tellement se battre entre notre personnalité réincarnative que nécessairement, on va pouvoir permettre au corps physique d'être manipulé par les nouvelles parties égoïques dedans, en train de constituer l'ego du prochain individu, et le corps sera maintenant neuf. Il pourra tirer de l'expérience et surtout accumuler une évolution génétique et accepter le neuf. Or, lorsque l'enfant vient au monde, sa mémoire étant presque pas constituée et les mémoires réincarnationnelles étant toujours en train de sutter les unes contre les autres, l'enfant accepte tout ce qui est neuf. Il s'habitue, il pleure un peu quand on le met dans une garderie, bon, il pleure un peu quand il rentre à l'école, mais il prend le neuf. Et lentement, découvrant le neuf, il recherche le neuf, jusqu'à temps que le processus d'égoïsation recommence et finalement, il devient de plus en plus stagnant, devient puissant. Alors, qu'en serait-il si Adolf Hitler ne serait pas mort? L'ego a tellement expérimenté la puissance luciférienne en pouvoir arimanien que nécessairement, s'il aurait été immortel, on aurait eu de gros problèmes. Enfin, lui puis moi, on aurait eu des maudits problèmes. Alors, nécessairement, la mécanicité archangélique fait qu'il y a le monde de la mort, préservé par des hiérarchies, et c'est pourquoi que l'être humain meurt. L'homme meurt juste pour que l'ego ne conserve pas trop de puissance à travers son évolution. C'est chiant pour l'ego. C'est pourquoi, d'ailleurs, il meurt. Pourquoi l'homme s'est-il matérialisé sur la Terre? Apprendre, expérimenter, se retrouver en tant que conscience. C'est de la mémoire et toute l'orchestration a été bâtie par le précurseur, c'est-à-dire par vous, de façon à ce que la mémoire ne puisse pas se dilapider, de façon à ce que l'énergie de votre passage, qui a été conservée en mémoire de votre passage, puisse se cumuler. Je vais revenir de toute façon sur le cheminement prévu par, sur l'avenir, sur comment se souvenir du futur, dans une autre conférence. Sommes-nous des dieux qui avons perdu la conscience de ce que nous sommes vraiment? Eh, merde. Bon. Je sais que je vais me piquer un micro au même moment donné, qui va voler avec moi. Bon. Sommes-nous des dieux? Non! Qui avons perdu la conscience que nous sommes vraiment. Un dieu ne perd pas la conscience de ce qu'il est. La mémoire du dieu, elle n'est pas le dieu et elle n'a pas la conscience. L'homme est de la mémoire. L'homme, c'est de la mémoire de Dieu. L'homme, c'est de la mémoire d'un dieu. Chaque individu est de la mémoire. Mais l'individu n'est pas le dieu. Il n'y a pas un seul ici qui est un dieu. Par contre, vous êtes tous de la mémoire d'un Dieu. Et c'est très frustrant et très chiant pour l'ego. Mais si vous seriez un Dieu qui a perdu la conscience, comment un être que l'on considère parfait peut-il perdre sa conscience? C'est comme un corps peut-être qui vient me voir et qui me dit, à travers l'œsophage, là, qui essaie de bavasser, je suis une tête, mais j'ai perdu ma tête. L'homme est de la mémoire. On a une idée très archaïque de ce que c'est que de la mémoire. On a aussi une idée très archaïque de ce que c'est que de l'énergie. La mémoire, elle vous rend nostalgique. La mémoire, elle vous détruit le corps. La mémoire, elle engendre les guerres par cumulation de la peur. La mémoire, elle engendre tous les problèmes sur la planète. La mémoire, elle engendre même votre problématique de changement. La personne qui vit du tabou sexuel apparent de ne pas pouvoir montrer son corps à d'autres, c'est la mémoire. Mais elle ne pourra pas le faire. La personne qui n'est pas capable de rencontrer le pape et lui dire « Allô, Jean-Paul », elle vit d'un problème de mémoire. Pourquoi elle vit d'un problème de mémoire? Parce qu'elle ne pourra pas le faire. Est-ce que l'homme est un Dieu qui a perdu la conscience de ce qu'il était vraiment? Non. Ce que vous êtes vraiment, vous le savez. Le problème, c'est que ce « vous le savez » n'est pas dans vous. Vous êtes la mémoire. Ceux qui ne saisissent pas trop, je le dis, on peut se référer à la conférence de vendredi. Ceux qui y étaient, gênez-vous pas, écoutez-la. Réexpliquer la différence entre l'ego et l'anti-homme. Une grande partie de l'ego est anti-homme, une grande partie de l'ego est l'homme. L'instantanéité a-t-elle eu raison de nos mâchoires, de nos mouchoirs, Sally, ou en aviez-vous plusieurs introuvables au début? Ah, ça! Si nous ne sommes que des résidus mémoriels et que tout chez nous est déjà réalisé, devons-nous vivre stoïquement sans se préoccuper de notre inégoïsation et conscientisation? La souffrance, quand on vit stoïquement, c'est la souffrance qui nous fait évoluer. Alors, vous avez le choix. Vivre stoïquement, donc en vous foutant pas mal de tout, et la souffrance va vous former. Tous les peuples de la planète ne se conscientisent pas. Tous les peuples de la planète souffrent. Et si on veut prendre consciemment l'idéal du cheminement, on va cesser de se faire taper dessus. On va devenir son maître. Est-ce que la bande de Gaïa, disons, oui, Gaïna, et la Cisjordanie sont destinées à demeurer territoire israélien? Quelle importance doit-on attacher à ce fait? C'est une maudite bonne question, mais présentement, les choses n'ont pas encore été comprises par ceux-là même qui dirigent ce phénomène. On ne peut pas en parler. Enfin, moi, je ne peux pas en parler. Je peux, mais je ne veux pas. Rebâtirons-nous le temple de Salomon à Jérusalem? Non. Est-ce que ce fait revêtira une quelconque importance au niveau mondial? L'illusion de la reconstruction du temple de Jérusalem, ou temple de Salomon à Jérusalem, donnera le feeling majeur de la substance de l'ego planétaire dans l'égrégore de différentes religions vers le retour du passé. Et c'est ce phénomène illusoire qui va raffermir les troupes. Lorsqu'il sera dissous, viendra en même temps, obligé par une souffrance atroce, la dissolution spirituelle des égrégores du passé pour confiner l'homme à être obligé de regarder vers l'avenir. L'homme vit de la tradition, et la tradition, pour être acceptée, prophétise toujours que le passé va revenir en avant. Le Christ va revenir, on attend l'homme. Les temples seront refaits, la Jérusalem céleste, les mêmes choses que dans le passé. Ça, c'est pour permettre à l'homme de vivre dans l'espoir. Et à un moment donné, les choses arrivent, et tout ce qui vient étant du neuf, tout ce qui vient ne sera absolument pas comme l'humain s'en attend. Et ce que je vous dis là, c'est plus que génial. Énergétiquement, c'est à comprendre. Tout ce que vous pourrez imaginer de l'avenir n'arrivera pas. Il est bien évident que si l'humain fait juste imaginer une guerre, elle peut arriver. Je parle pour vous. Visualisez-vous là pour aller au temple de Jérusalem. Et vous verrez que vous n'irez jamais. Tout ce que l'humain s'attend, les grandes peurs qui le hantent, ces choses-là ne les vivra pas comme il s'en attend. Ayant une foule de livres traitant de phénomènes prophétiques que je consulte plus depuis belle lurette, quelle serait la manière la plus adéquate de m'en défaire? La personne, elle n'a qu'à chercher un petit peu, elle va trouver. Elle va trouver, elle se complique la tête un peu. Ce qu'elle va faire avec ses livres, c'est exactement ce qui doit être fait. Elle ne se trompera pas. Alors qu'elle cesse d'avoir peur de se tromper ou qu'elle cesse de se poser la question, elle n'a qu'à faire. La parole est d'or lorsqu'on l'ajuste. Elle dort lorsqu'on parle seul. Elle est d'or lorsqu'on parle seul. Si une personne m'évite parce que les deux égaux se sont brisés, la parole n'est-elle pas d'or lorsque l'intelligence pousse à se revoir pour réajuster et aimer sublimement les mémoires mémorisées de la dernière rencontre? Nuance avec se fermer la gueule et reconnaître qu'on a failli se nuire. Il faut que vous appreniez à nuancer tout ce qui est dit de moi, de d'autres. Lorsque je donne l'exemple où une personne ne peut plus faire autrement que de vivre, eh bien, elle s'en va. Lorsqu'une personne a fait une connerie parce qu'elle a été manipulée, mais qu'elle voit toujours l'intelligence de la relation, pas l'intelligence émotive de la relation, l'intelligence de la relation, c'est autre chose. C'est lorsqu'on ne voit plus l'intelligence d'une chose, mais qu'émotivement, on veut juste se préserver les choses, que là, on doit briser. Et c'est ce que j'ai expliqué. Mais si on voit encore l'intelligence d'une chose, on l'applique et on la continue. L'ésotérisme que je pratique est basé sur une intégration honnête et conséquentielle. Jamais sur l'occultisme noir et l'énergie. Et l'énergie que je reçois en argent me permet d'assister à des conférences et de nourrir mes enfants. Est-ce que tu conçois comme archangéliquement prévu? Oui. À quoi mène la pratique de la méditation Vipassamsa? Observation impersonnelle des mécanismes émotifs et mentaux. C'est très bon. Est-il bon de donner 10% de ses revenus à des œuvres humanistes évolutives? Est-ce que cela peut nous assujettir à la collectivité et nous apocalyptiser? Explique le processus. Faire attention. Si on est spirituel, si on vit encore de croyances, de foi, si on en a encore besoin, et sachez que la majorité d'entre vous, vous en avez encore besoin, à des degrés différents, eh bien, on ne doit pas maudire, couper ou tout faire pour abandonner la spiritualité. Les choses vont se faire lentement. Une personne qui donne déjà 10% de ses revenus à des choses comme ça, qu'elle le continue. Une personne qui a un enfant malade et qui espère que la société va trouver quelque chose pour la guérir, qu'elle donne aussi. Et elle fait partie de cette force spirituelle. C'est pas spirituel Dieu, ça ne change rien. La force d'espoir. Sinon, on ne le fait pas. Et si on veut le faire, on doit dilapider suffisamment sa dîme et la donner d'une façon absolument incognito. Il est préférable de conserver son argent pour la distribuer lorsque le temps est venu. Vous arrêtez quelque part sur la route et il y a une personne qui est en panne d'essence. Alors, vous avez peut-être prévu un tube ou la personne en a un. Vous siphonnez un peu d'essence dans votre réservoir, vous lui la donnez. Et vous ne la collectez pas. C'est un moyen de passer et d'aider en passant. Vous êtes au restaurant et il y a un clochard qui rentre chercher son café. Puis qu'il s'assoit et qu'il sirote pendant 3 heures de temps, histoire de se donner plus longtemps le feeling qu'il est dans un restaurant. Et puis vous lui payez un repas. Pas vous asseoir avec lui. Vous lui envoyez des sandwichs. S'il les jette, pas grave. S'il les mange, tant mieux. C'est aider en passant. Qui manipule une personne totalement mentale? Lui. Courbez l'espace-temps. La courbe par rapport à soi prend quelle forme? C'est au-delà des dimensions spatio-temporelles. Cette courbure ne peut pas être vue, sauf si la personne serait totalement à l'extérieur du contexte. Alors, du point de vue de l'homme, la courbure va prendre la forme de l'efficacité. Le libre-arbitre n'existe pas à l'intérieur de la création, mais à l'extérieur. totalement. La densité est-elle lourde et matérielle? Oui. Est-ce que l'archange peut, par l'intermédiaire de l'astrologie ou tireuse de cartes ou autre, nous indiquer le chemin à suivre? C'est ce qu'il fait. Lorsque l'on a l'impression très forte du déjà vu ou vécu au moment précis, c'est une confirmation que l'on a vraiment de mémoire. Possiblement, mais on peut aussi mémoriser un événement, l'oublier instantanément et s'en rappeler lorsqu'on le revoit. Ce qui donne l'impression d'avoir déjà vu, alors qu'en réalité, c'est dans l'instantané qu'on vient d'oublier. Et de d'autres temps en temps, c'est parce que on a au niveau de l'archange, on appelle ça la voyance, ou certaines formes d'intuition astrale, été informé. Quel est le phénomène qui fait que durant un entretien avec quelqu'un, tu revois et réentends toute la scène? Tout est identique. Simplement parce que tout le cheminement de la mémoire, fais attention, quand tu vis quelque chose avec quelqu'un, le futur a déjà été existé. Hein? Alors la personne, elle peut avoir juste un décalement de sa conscience, juste un peu en avant. Ce qui fait qu'elle discute, elle a la conscience dans la discussion de 5 minutes avant la conscience physique, ce qui l'informe mémoriellement de ce qui va se faire au fur et à mesure que les choses se font. Et ça peut étirer encore plus que ça dans le temps. Ce n'est pas des choses à rechercher. Vouloir à tout prix connaître l'avenir, c'est un problème. C'est comme vouloir à tout prix se rappeler le passé. C'est un problème. C'est une démarche spirituelle. C'était que, hein? Une amie a un fils de 13 ans. Hier, il a presque frappé. Il devient violent. Il m'a mis dehors. Au moins, il t'a réglé. Il était en visite. Elle se sent coupable, ne sait pas quoi faire. Que peut-on faire d'un adolescent violent face à sa mère? Les réponses comme ça, je les réponds d'une façon très problématique. C'est que je ne peux pas parler d'un enfant si je ne vois pas l'enfant. Pour sublimer, il faut laisser une tradition neuve derrière moi. Comment réaliser ça? Ça va venir, vous allez le saisir, c'est ce que j'appelle l'instruction de l'ego, le néotypage de l'ego. On fera d'autres conférences sur ces phénomènes-là, mais de toute façon, à un moment donné, vous allez le vibrer suffisamment. Ce n'est pas plate, ce n'est pas chiant. J'ai déjà dit souvent que plus on apprend certaines choses, moins on peut les appliquer parce qu'on doit les appliquer seulement si on les comprend. Et pour comprendre une chose facilement, on ne doit pas l'apprendre au préalable. Je connais déjà la trace de mon futur, je n'ai pas besoin de laisser des traces spirituelles. À l'exclusive condition que la trace de ton futur soit effectivement le futur que tu vas vivre. Si c'est simplement une extrapolation ou un espoir d'un phénomène collectif, après, dans 20 ans d'ici, l'humain sera plus sûr. Sinon, son futur peut être mélangé à un futur de d'autres, tant qu'on n'aura pas vu le ménage archangélique. Le plan de vie ou la mémoire laissée par les précurseurs, par le précurseur, est-il déterminé au détail près? Il est déterminé au détail près. Tout ce qui peut être changé, c'est la forme. Je l'ai expliqué vendredi dernier. On pourra s'y référer. Et notre rôle est-il de suivre ce plan de vie? Oui, mais la conscience est quelque chose d'autre que la mémoire. La mémoire, elle est conditionnée à suivre ce plan de vie. La conscience peut faire autre chose. Il y a même des mémoires de vos corps que vous pouvez abandonner là. Si elles sont spirituellement programmées, et elles le sont tous, les archanges s'en occuperont pour prendre une mémoire d'un corps ailleurs et continuer. Mais on va revenir sur ces phénomènes-là au niveau des aides de contrôle. Conférence de vendredi. À un moment donné. Y a-t-il un autre chemin plus court? Melchisédié disait sa vie, courbait le temps. Et ça va venir, je commence à en parler quand même. Bon, tu dis que l'homme est la mémoire du précurseur, donc plus l'homme avance en conscience, plus l'homme a souvenance de sa mémoire du futur. C'est un fait. Est-ce que de la conscience serait aussi de la mémoire d'un précurseur? On peut se référer encore à vendredi, j'ai parlé de ce que c'était cette conscience. Quelle est la différence entre une pensée et une réflexion? C'est bien. Je ne veux pas être désobligeant. Si je me mets à répéter des choses que j'ai dites, lentement, dans certaines conférences, je vais finir par répéter souvent. Alors je préfère ne pas répéter, de cette façon-là, je reste plus branché sur ce qui m'intéresse. Quelle est la différence entre une pensée et une réflexion? La conscience de l'homme, c'est quelque chose comme un miroir. La réflexion, c'est tout ce qui est réfléchi dedans. Et la conscience égoïque, c'est l'observateur du miroir. Lorsque la mémoire astrale est réfléchie dans le système neuronique, l'ego observant cela le capte. La pensée est lorsque l'ego lui-même se voit la face et se capte, il pense. C'est lorsque la structure amique est réfléchie dans le contexte neuronique et perçue par elle-même ou par l'ego. C'est de la pensée, c'est astral. Par contre, la réflexion supramentale, lorsque l'être humain arrive à parler dans sa tête. Je ne dis pas lorsque ça parle dans votre tête. Je dis lorsque l'homme arrive à parler dans sa tête. Il commence par parler par la parole, mais finalement, il arrive à ne plus penser. Il parle dans sa tête. Et ce n'est pas des voix qu'il entend. Il parle dans sa tête. Il y a une nuance subtile, mais une maudite nuance importante. Lorsque l'intelligence mentale est réfléchie, ça parle dans la tête de l'ego, parce que c'est la conscience de l'homme qui parle dans la tête. L'ego pourra observer encore une fois, mais ça ne parle pas dans votre tête en ce sens, « Ah, ben ça me dit de faire ça. » Non. Je me dis que je vais faire ça. Et il y a une nuance entre la pensée et la parole supramentale. Cette nuance-là, elle provient, encore une fois, de la faculté qu'aura l'homme de discerner. La pensée, c'est donc la réflexion astrale, et la réflexion, c'est la mécanicité qui permet à l'ego de prendre conscience expérientiellement d'une mécanicité. On peut donc réfléchir mentalement, réfléchir supramentalement, réfléchir astralement. La mémoire, c'est le pilote automatique qui remplace temporairement l'absence de pilote intelligent. Non, l'archange est le pilote automatique qui pilote la mémoire. Quand l'intelligence est là, le pilote automatique n'est plus nécessaire. C'est un fait, mais c'est l'archange qui décolle. Pourquoi ne pas ramener l'avion à destination directement au lieu de passer le pilote automatique, au lieu de laisser le pilote automatique passer par son chemin? Pourquoi? On peut revenir encore à la conférence de vendredi, j'ai expliqué la mécanicité de cette trace mémorielle. C'est que la mémoire, le passé, le temps et l'avenir doivent se retrouver. Il n'est pas question de salut sans cela. C'est pourquoi l'être humain a un corps physique d'une façon à ne pas pouvoir faire autrement que d'amener les mémoires. Lorsque la conscience quitte le corps physique, puis elle s'en va directement se sauver, elle laisse les mémoires encore une fois, et ça va créer une division polarisée de l'évolution de l'humain qui devra suivre deux chemins. Les mémoires doivent se retrouver et y revenir, arriver là où le précurseur est arrivé. La mémoire, elle souffle, la mémoire, elle pose la question, comment, si la mémoire est le problème, quel chemin pourrions-nous prendre pour ne pas passer par là? Sa mémoire qui pose la question. Il n'y a pas grand réponse. Autrement dit, les archanges empêchent la conscience en protégeant sa mémoire. Non, les archanges n'empêchent pas la conscience, les archanges préservent la mémoire de façon à ce que la mémoire puisse devenir de la conscience. Au fur et à mesure de sa progression vers le but. Cela est-il prévu? Comme je l'ai dit, oui. Est-ce possible pour moi? La conscience n'est pas empêchée par l'archange. Par contre, lorsque la conscience devient suffisamment convenable, l'humain peut passer par une sublimation qui va le désassujettir. Toute la mémoire de l'homme, ça va finir par rentrer. Toute la mémoire de l'humain va continuer son cheminement alors que vous, en tant que conscience de la mémoire, vous ne serez plus dedans. C'est ça qui va se passer. Le temps est courbé, c'est tout. Tout se passe pareil, mais vous n'êtes pas là pour en prendre conscience ou pour en prendre souffrance. Mais les choses sont simples. Ça va finir par rentrer. Si ma conscience tourne sa pute de temps, à quoi sert que le corps reste sur la planète, le con? Pour la simple raison que le con est ce qui vous permet de supporter le degré de conscience qui, à un moment donné, pourra courber le temps. Pas de corps physique, pas de courbure du temps. Et nécessairement, cela va engendrer de très gros problèmes. C'est évident. Allez, mon petit, ouvre-toi, là, j'ai bien croire que... Ah. Ah oui, c'est presque dans l'autre poche, faut que je les prenne. Bon. Qu'était d'autre le Nazaréen en plus d'être un avatar? Je n'en parle pas immédiatement, et je vais y revenir, mais ça va être beaucoup plus exhaustif, on va commencer à s'amuser un peu plus. On dirait que tu découvres à mesure que tu dis. Ben, c'est évident! C'est pour ça que je fais des conférences! Et que tu ne sais et ne savais pas, il y a un an, que l'univers était un accident, etc. C'est exact. C'est bien évident. Sa parole, elle permet à l'être humain de laisser passer de l'instantané. Comment voulez-vous que je sache d'avance si je parle instantanément ce que je veux dire? Si je le sais d'avance, je parle mémoriellement. Et lorsque je commence à me plaire à faire les conférences, nécessairement, j'amène plus de neuf. Est-ce que l'expérience de courber le temps peut être ressentie par l'être humain? Si oui, à quel niveau? Je répète, la forme de la courbure, c'est nécessairement le désassujettissement, l'abstinence de souffrance et l'efficacité. En détruisant l'illusion, on détruit aussi la vie. Oui. Pourquoi prendre ce chemin pour courber le temps? Non. On digère l'illusion. On ne la détruit pas. On ne détruit pas l'illusion. On la digère. Détruire l'illusion, c'est vouloir exterminer un peuple, par exemple. En réalité, on ne détruit pas l'illusion non plus, mais dans l'apparence visuelle de l'homme, on détruit l'illusion. Digérer le temps n'est pas détruire. Que doit-on faire pour développer notre conscience? Pose des questions. Quand on est branché sur le savoir, peut-on savoir sa vie à venir? Non. Une loi fondamentale de la conscience intelligente, le savoir instantané, c'est que l'homme sait ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. En sait-on les détails ou juste les grandes lignes? On n'en sait rien et on s'en fout. Dans le contexte spirituel, là, on peut découvrir les détails de la vie à venir. Si l'homme n'existait pas, tu dis que la création ne serait jamais résorbée. Mais on s'en fout. On ne s'en fout pas, on est là. Il n'y aurait pas de conscience pour le savoir. Le bordel, c'est cette maudite conscience. Si on se faisait tous sauter, plus de création consciente, donc plus de création. Et pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Je n'ai rien contre. Mais quand on dit se faire sauter, cela voudrait dire pas se tirer une balle dans la tête, on va dans le monde de la mort, puis on vient ici après, puis dans le monde de la mort, on reste conscient inconsciemment, on vient sur la planète Terre dans un corps physique, puis on recommence le marasme. Si la personne serait capable de faire sauter l'univers en complet, de faire sens que tout ce qui est matière redevienne de l'énergie, c'est ce que l'homme va faire à un moment donné. Quand il aura suffisamment accumulé ses mémoires, la mémoire matérielle et les mémoires du passé vont tellement être proches de l'instantané qu'elles vont être digérées par l'instantané. C'est ce qu'on va arriver à faire. Mais en attendant, c'est l'ego qui braille. C'est l'ego qui se plaint. C'est l'ego qui se dit, moi j'aurais aimé mieux ne pas savoir que je suis gros puis continuer à manger comme un cochon. Le problème, c'est que le rôle de l'homme, ce n'est pas ça. Et la personne qui voudrait se suicider, elle revient pareil. Ça ne change rien. Ça va rentrer. Tu dis que si tout ça recommence, tu ne serais pas là pour le voir. Moi, je suis sûr que tu y seras, si tu y es actuellement. Même en dehors de la création, tu seras dedans. Pourquoi rester sur la planète? Pourquoi restes-tu sur la planète? Pourquoi n'y reviendrais-tu pas? Ce serait charmant pour nous. Une mauvaise bonne raison pour venir. Non, au niveau du plan de ma conscience, lorsque je vais sortir, je ne reviens pas. Il restera des mémoires de mon passage. Il restera des mémoires du passage de ceux qui vont s'en sortir, donc des mémoires de votre passage, ceux qui allez vous en sortir. Et du point de vue de l'humain, on verra une mémoire. Mais on verra une mémoire qui ne souffre pas, une mémoire qui prie, qui est fervente, qui marche, un saint, un béatifié, un élu. Puis c'est rien que la mémoire qui va s'en aller. Elle ne pourra pas souffrir. Comme si une main, comme si un bras dessus, là, s'en fout. Quand tu vas vouloir la tuer, elle va dire, « Mon Dieu, je t'aime. » C'est tout. Mais il n'y aura pas de conscience dedans. Alors moi, je ne reviendrai pas. La mémoire, faites ce que vous voudrez avec. Le retour de la conscience vers son point source nuit-il au corps physique qui perd sa conscience? Lorsque le contact se fait convenablement, le corps physique entre en fusion avec le double éthérique et le corps physique dans la mémoire pour supporter l'étape de conscience pendant la courbature du temps. Faire attention, quand on parle de courber le temps, il se courbe lentement, il se courbe un peu plus, et là, dans une forme de courbe, il y a la fusion avec le double éthérique, ce qui permet, parce qu'on garde un corps physique qui accumule de la densité, une courbure encore plus puissante, et finalement, on s'en détache. Il va rester la mémoire, qui, elle, va continuer. Est-ce que l'ego subit une crise majeure due à ce départ de la conscience? Quand cela se fait, non. L'ego, il n'y en a plus. Il va rester une personne humble, hautement spirituelle, sans ego, qui tend la joue, puis tu frappes, puis tend l'autre, puis tu frappes, puis quand tu n'as plus de joue, ben tend les os, puis c'est tout. Si la conscience retourne là où elle n'a jamais existé, est-ce qu'un autre esprit ou conscience prend possession du corps physique pour gérer la mémoire? C'est le rôle des archanges et des avatars. L'accélération du temps dans le temps par le temps suit-elle ou précède-t-elle la courbure du temps? lorsque la courbure se fait convenablement, c'est dans un certain point de vue un ralentissement, d'un autre point de vue une accélération, et du point de vue cosmique, ça ne précède ni ne suit. Ce n'est pas perceptible par les mémoires qui vont continuer à vivre le cheminement spirituel. Tu parles d'événements atroces à survenir. Non. Cela contient-il l'expression égoïque d'une masse collective d'anti-soi en proportion à la descente d'énergie? Oui. Lequel deux forces doivent s'affronter avant que l'anti-soi soit digéré pour ainsi joindre le plan cosmique par des sous-plans. Plan des sous-plans. C'est ça. Événement choc. Vomissement égoïque, résultat concret, éloignement de la personne, déclencheur et douleur. Face à face seul et conscientisation que l'événement ne m'appartient pas. On a sauté en moi. Processus réincarnatif, c'est le couloir. Temps arrêté, brûlure intense, descente aux enfers, aucun archétype à la rescousse, c'est bien. Plaie douloureuse, comme pancréas, basculé, en feu, mais sans symptômes de digestion difficile, mais à fret sur autre plan. Peine de la non-alliance de la personne déclencheur, car amour intelligent n'est-il pas aussi comprendre que l'anti-homme de l'un s'est exprimé à l'ego de l'autre malencontreusement et en saisir les conneries En tout cas, bon, moi je sais. Et alors s'exprimer pour s'ajuster à la troisième personne du singulier et du pluriel pour ne pas se piéger à s'identifier, à s'approprier l'événement astral. C'est presque génial, mais c'est une illusion prévue par les phénomènes spirituels. Point focal de cette dure initiation, une force qui ne voulait pas à tout prix revenir loin, très loin, en arrière. Et revue personne comme neuve que contient ce potentiel. Présentement, je ne réponds pas à la personne qui est en train de s'amalgamer, de se maganer elle-même, d'une façon intéressante. Tout ce que vous devez comprendre lorsque vous vivez des phénomènes apparemment stupides et même débordants, restez en vie! Y a-t-il des périodes de l'année favorables à la conception d'un enfant? Explique pleine lune, équinoxe. Il n'y en a pas. Ici, j'ai une question sur le PMC+. Il y a un retour pour le PMC+, pour ceux qui y étaient, lundi le 25 de janvier. Je vais répondre à ces questions-là. Si je suis conscient de toute cette mascarade cosmique et que je n'en vois pas l'intelligence, d'où souffrance, à quoi ça sert d'être conscient? Vous êtes couché dans la brume et vous évoluez lentement, il y a un œil qui sort. Et là, vous êtes conscient. Il y a un œil qui voit le monde par la brume, un œil qui voit le monde sans la brume. Le cerveau amalgame les deux visions et engendre une troisième vision, l'illusion. Alors, la personne qui voit avec la brume, il n'y a pas de problème. Elle voit un peu de lumière et là, elle se dit « sac, change, c'est génial ». Mais la brume de l'autre œil mélangée avec ce qu'elle voit sans brume engendre un monde qui n'est pas tout à fait la réalité. Elle va se dire « je vois plus, puis je m'en fâche. À quoi ça sert de voir plus? » Attends, l'autre œil va sortir. S'il y a vraiment un moyen pour que je rejoigne le précurseur, moi, dis-moi-le et qu'on en finisse. On va en finir. Laissez-vous encore quelques milliards d'années. La mémoire veut en finir avec la mémoire. Même quand vous vous tuez, vous ne faites que retarder. C'est-à-dire que lorsque l'être humain se tue, si on est en train de comprendre, autant continuer. Si vous vous suicidez, nécessairement, c'est prévu. Mais il faut faire attention. C'est pas prévu que vous allez vous suicider. C'est prévu que certains vont se suicider. C'est pas nécessaire que ce soit vous. Ne serait-ce pas plus écologique que l'homme sache l'avenir et l'accomplisse? Tu vas gagner 1 million $ dans 6 ans. Et voilà, si t'en es sûr, tu peux plus vivre pendant 6 ans. T'as tellement hâte que ça arrive, si boire, t'es fait. L'enfant que tu vas avoir va mourir dans 3 semaines. Tu connais ton avenir, t'es au bout. Et boy, tu vas tout faire pour l'en empêcher, il va mourir pareil. tu vas-tu manger de la marde, tu vas-tu souffrir du point de vue de la conscience égoïque? Ne serait-ce pas plus écologique que l'homme sache l'avenir et l'accomplisse? Certains le seraient sans vouloir l'accomplir, au lieu qu'il soit occulte. L'espoir, c'est la carotte, la trappe-nigaud, le bonbon. Si l'homme n'a plus l'espoir et pas encore l'intelligence, c'est l'enfer. Ça va de soi. Certains se suicident. Où est l'évolution des suicidés? Ils se réincarnent dans d'autres corps qui sont capables de recevoir des corps de personnes qui vont se suicider. Et ce corps se suicide encore. Et ça continue comme ça jusqu'à temps que finalement sa vibration devienne tellement basse qu'elle ne puisse pas se réincarner. Elle va servir à supporter la mémoire d'un âme en réincarnation. Et elle sera maintenant capable d'évoluer avec cette âme-là. Mais je le répète, ce n'est pas nécessaire que vous soyez ceux qui allez vous suicider. Il doit y avoir des suicides, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit vous. Je ne sais jamais d'une année à l'autre si je vais accepter de continuer à vivre, et donc je n'ai aucune direction, ni réa, ni rire, ni rien. Je ne vois pas devant moi. Petite, je voulais mourir jeune. Ça n'a pas changé. Vivre pour servir de trace mémorielle, ça ne m'intéresse pas. Que la mémoire se débrouille toute seule, je l'emmerde. Est-ce pour ça qu'on vit? Naît-on pour ça? Je répète, la première chose que l'homme doit faire, c'est de rester en vie, parce qu'il n'y a que dans la vie que l'homme peut s'en sortir. On crée un double éthérique en acceptant ce que la personne a de la difficulté à accepter. On crée un double éthérique en acceptant d'égoïser nos mémoires, en faisant une séparation entre la conscience qui nous anime et la mémoire qui la supporte. Lorsqu'une personne se suicide, elle ne fait qu'étirer son problème, sa souffrance, sa merde. En plus de nuire aux autres, elle se nuit. On vit pendant quelques années avec la conscience du problème. Mais toute la vie que la personne elle a vécue, qu'elle a haïe, c'est passé maintenant. Elle n'a plus à le vivre. Qu'elle ne suicide pas pour commencer! Comment peut-on gagner au 649 si la personne qui a fait le chemin avant moi n'a pas déjà gagné? On ne peut pas. Est-ce que le loto existait avant? Ce qu'il faut bien comprendre, lorsque l'intelligence, lorsque le précurseur est passé avant nous, il n'est pas passé dans le monde de la matière. Mais tout le monde de la matière a été structuré pour que la mémoire puisse continuer à poursuivre son chemin pour le rattraper. Il y a des humains qui doivent gagner à la loterie. Mais on ne sait pas qui. Mais si en gagnant, vous allez venir foutre à terre l'évolution archangélique d'un phénomène local, humain, national ou planétaire, vous ne gagnerez pas. Quelle est la raison intelligente de gagner la loterie? Ben, en premier, on va commencer par en donner à mon fils, à ma femme, à ma scie, à ma soeur. Si ton fils a à apprendre des choses sans argent, puis tu vas y en donner, c'est évident, tu es émotivement programmé pour y en donner. Continue à acheter des billets, tu fais vivre la loterie. Mais tu ne gagneras pas. Il y a des choses bizarres qui se passent en moi. Bon, la personne, elle est normale. J'ai de la peine, je le regarde, puis plus rien. C'est normal, quand on observe, ça s'en va. Je regarde dans le noir, je suis bien. Tout est calme et bleu. Que présage ce phénomène? Rien. On ne doit jamais essayer de décoder la signification émotive d'un événement. Quelles sont les causes du phénomène? C'est autre chose. Qu'est-ce qu'il présage? Rien. C'est parfait, ça ne dérange rien. L'être humain a l'impression que lorsqu'il est capable d'affronter les forces du mal sans souffrir, c'est qu'il va mourir. Ou qu'il va y arriver quelque chose de particulièrement bizarre. Je marche la nuit dans un cimetière, puis j'ai plus peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu marches la nuit dans un cimetière, puis t'as plus peur. Ça veut dire ça. C'est juste ça que ça veut dire. L'homme planétaire est de la mémoire. Le corps est mémoriel. L'astral est de la mémoire. Le mental provient de l'astral. Et on peut devenir le sel. Et on peut devenir un ion. Il y a des mécanicités qui permettent à l'intelligence d'être exprimée. L'intelligence, la conscience intelligente est libre. Tant qu'elle s'exprime par un corps physique, la limitation du corps physique limitera l'expression de la conscience. Mais on ne reste pas manipulé au contexte astral de l'évolution spirituelle de la mémoire. Être capable de parler par un savoir instantané comme je le fais, c'est se libérer des contraintes de manipulation. Être capable de développer une autorité mentale dans l'astral, c'est se libérer des contraintes de manipulation. Être capable de faire une colère mentale en s'adressant là où on doit s'adresser et en comprenant, non pas spirituellement ou émotivement le phénomène, mais en le travaillant, on se libère encore. Se libérer n'empêche pas le corps de suivre le chemin, mais il empêche la souffrance d'être là parce qu'elle n'a plus d'utilité à être là. Vous pouvez souffrir pendant 10 ans et gagner à la loterie. Et vous pouvez, après une colère mentale convenable, bien faite, passer 10 ans sans souffrir. Et vous gagnerez quand même à la loterie. Ça ne changera rien à l'évolution mémorielle dans le temps et l'espace. Mais ça change tout du point de vue de la conscience. Je répète que je donne un séminaire sur la colère mentale 2. Fin janvier, où on va travailler sur le décortiquage de l'anomie, de l'anti-homme, de l'homme, du canal, et du processus pour nous permettre de faire une colère mentale tripartite. Vendredi, comment permettre la fusion? Et je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit. Comme certains d'entre vous, j'avais commencé à m'ennuyer. Je m'ennuie plus. Alors, bonne fin de semaine.